Abidjan, la belle et jolie fille. Minene na capital, bakolo ya badiama, baswani pona ye pe babuti. Bapatro minene bayoki sonite, seke asali orde makreye, kenge a finale, zetija. Tita tu, yo mangenda, yo na pizza. Est-ce que la colline n'a pas patron, pas vrai? tandima bakola.